suis à la traîne depuis 10 ans, j'ai raté tous les wagons. Ça pue la mort, j'ai mis l'odeur de défaite dans un flacon. C'est dans ma ligne de mire que le rap passe à jeter la proie. Faut que je refasse ma vie dans ton drama, repasse-moi, j'étais à 3. Ça fait 6 mois que j'ai pas écrit alors que je suis blindé de prod. Je me ferai buter par les flingues tenues par les mains de mes proches. J'essaye de faire ce que j'ai à faire avec ou sans la mentale. Ça donne une dépression, mais jamais de son conscient lamentable. C'est pas le paradis, je sais plus si un jour j'irai là-bas. Faut que je parle à mon papa, passe-moi une corde ou un gilet Mac 3. Range ton sourire, va tirer à Cupid, donc on m'achète plus. J'ai mal au cœur parce que 2-3 pétasses on marche dessus. J'écris mes peines, pourtant j'ai pas les mots qui cicatrisent. Je m'éloigne de Fleury, mais me rapproche peu à peu de la psychiatrie. J'ai mal au crâne et je deviens parano dans ce bordel. Passe-moi une raison de vivre pour pas que le CD sorte post-mortel. Passez-moi les manettes, laissez-moi sur ma planète. C'est pas en étant charisme que j'aurai du bonheur en palette. Passez-moi la couronne avant que je crache sur la galette. On traîne et ça galère, loin des strass et des paillettes. Il me faut les clés du succès que je puisse calmer toute ma colère. J'ai jamais rien acquis en tirant des plans sur la comète. Passez-nous un mic, on représentera les seuls. On vous parlera de tout, surtout de la folie des hommes. On marche sur des boulevards, très peu vivre l'histoire de Jules Verne. Passez-moi un thème que j'écrive, un cesse qui bouleverse. Passez-nous les menottes, enfermez-nous comme Nelson. Donne-moi des mots, des notes, et je ferai la guerre seule. Je vois des mômes qui pleurent, qui meurent, et demande rien à personne. Alors donnez-moi des réponses, ça évitera que je me questionne. Passez-moi vos calibres, je ferai de vous des galibres. Et si t'as pris le temps d'écouter, je te remercie la famille. Merci la famille.